Aujourd'hui, on entend Jésus donc dans l'évangile de Matthieu, où c'est un chapitre, le chapitre 13, où Jésus a utilisé toutes sortes de paraboles, hein, toutes sortes d'histoires qu'il crée pour, prenant des exemples qui sont des exemples de la vie de l'époque spécialement aussi, pour essayer de nous faire comprendre des idées moins claires. Mais il essaie de nous faire utiliser, faire des analogies, des comparaisons pour nous aider à comprendre, entre autres, les réalités qui concernent Dieu et le bonheur humain. Aujourd'hui, l'exemple qu'il prend, il dit « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. » Donc aujourd'hui, on peut méditer un petit peu sur le royaume des cieux, hein, le royaume, le monde avec Dieu. Comment ça se passe dans le monde avec Dieu, hein? Dieu est ce roi, notre roi. Il y a des gens qui vivent. Un royaume, c'est quoi? C'est un lieu de vie aussi, où les choses sont organisées, où il y a de l'ordre, de l'amitié, des échanges, de la paix. Eh bien, demandons-nous donc, quel est ce royaume, cette vie avec Dieu? Et lisant, entendant ces trois petites comparaisons, ces paraboles, en fait, je me disais, mais c'est assez clair, Dieu nous présente le royaume de Dieu comme une chasse au trésor. Vous savez, c'est quoi une chasse au trésor? Hein? Il y a un trésor à quelque part, il y a des indices, il y a des épreuves même peut-être, et il faut essayer de récolter ce trésor. Il y a même des émissions de télé qui fonctionnent beaucoup, qui ont fonctionné au moins de mon jeune temps. Vous avez peut-être déjà vu l'émission Fort Boyard, où il y a toutes sortes d'épreuves qui a traversé. Il y a des peurs à vaincre, ceux qui ont peur des hauteurs, ou ceux des défis physiques, ou peur des bibittes. Des fois, ils font courir dans des bibittes pour gagner un indice supplémentaire. Mais tout ça a un objectif. Essayer de récolter un trésor. Bon, dans l'émission de télé, des fois le trésor c'est moyen, mais des fois ils essaient d'associer ça à une bonne cause. Les sous ramassés vont être donnés en partie pour telle cause humanitaire. Bon. Donc, on est prêt à une sorte d'aventure et même à dépasser toutes sortes de défis pour un bien plus grand qui en vaut la peine. Et ça, c'est un vrai principe du royaume des cieux. Il veut qu'on apprenne qu'il y a des biens qui ont une valeur plus grande que d'autres, qui sont quand même des biens. Peut-être qu'eux-mêmes ont une valeur plus grande que d'autres, quand même des biens, mais moindres, jusqu'à des choses qui, oups, là, on traverse une ligne, et là, c'est plus bon, mais c'est même mauvais, et toujours mauvais. Mais dans la vie, hein, une autre des paraboles qui est utilisée dans ce sens-là, Jésus prend l'exemple d'un filet qui est jeté à la mer. On jette dans la mer, on ramène toutes sortes de poissons, il est plein, on le tire sur le rivage, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui vaut rien. Le texte grec va même dire ce qui est pourri. Ce qui est pourri, on le jette et on garde ce qui est beau, ce qui est bon. Donc, il y a tout un travail de discernement à faire dans le royaume des cieux. Et nous, spécialement, on est dans le monde. Hein. Le monde propose toutes sortes d'idées, toutes sortes d'activités, toutes sortes de réactions possibles, de façon d'occuper sa vie, son temps. Mais la question est, quelle est la valeur de toutes ces propositions? Qu'est-ce que je ferai? Et c'est là que la prière de Salomon, dans la première lecture, vous avez remarqué, hein, le jeune roi successeur de David, Dieu lui dit, demande-moi quelque chose, demande-moi ce que tu veux. Et qu'est-ce qu'il demande, Salomon? Il demande la grâce de la sagesse. Il demande la grâce de la sagesse d'un cœur qui sait discerner. Il dit, wow, je suis un peu jeune, puis je m'aperçois, j'ai plein d'écueils possibles. Seigneur, aide-moi à bien gouverner ton peuple. Aide-moi justement à bien gouverner, à avoir de la sagesse. C'est quoi? C'est être capable de mettre en haut ce qui a plus de valeur, des choses dans l'ordre du bien commun, dans le cas de la gouvernance, hein, la justice, assurer une paix sociale, une honnêteté aussi, personnel, public, etc. Il y a toutes sortes de grands biens à préserver. Et donc, aide-moi à toujours mettre en haut ce qui vaut la peine d'être en haut. Et Dieu lui dit, ben, parce que tu as demandé la sagesse et non pas la victoire sur tes ennemis, la mort de tes ennemis, ou parce que tu n'as pas demandé beaucoup de richesses, etc., de la gloire personnelle, il dit, ben, c'est bon, je vais te donner, parce que c'est un grand bien, la sagesse. Malheureusement, bon, Salomon, ceux qui connaissent bien son histoire, il n'a pas tenu jusqu'au bout dans ce don qui lui a été fait. Il a vraiment reçu beaucoup de sagesse, mais il aurait dû demander un deuxième don, celui de la fidélité. Parce que très souvent, en fait, on a de la sagesse, on comprend, on connaît les choses, mais en fait, on ne les fait pas. Je ne sais pas si ça vous arrive, des fois ça arrive juste à moi, mais des fois, en fait, on connaît les choses bonnes, mais on n'a pas la volonté de les faire. Et ça, c'est un grand drame. Hein, je vois bien que, ah, tu sais, ce serait bien de ramasser la vaisselle sur le comptoir qui traîne. Je suis certain que les autres seraient contents. Bof, ça ne me tente pas. Peut-être demain. Demain, wow, ça ne me tente pas. Peut-être après-demain. Puis finalement, hein, la vaisselle s'accumule, puis les frustrations des autres aussi. Donc, demandons à Dieu, dans la vie, dans les biens importants, il y a des co-essentiels, des choses que c'est important, mais c'est pas important tout seul. Et encore une fois, ici, je reprends la parabole du champ. L'homme, il s'est aperçu, oups, il y a un trésor dans ce champ-là. Donc, tout ce que j'ai, ça vaut quelque chose, mais ça vaut moins que ce trésor-là. Donc, je peux bien, c'est un bon calcul de dire, je vais mettre tout ça de côté pour dire, je vais prendre ce trésor qui va m'apporter beaucoup plus de bénéfices. Et donc, il faut demander à Dieu la grâce d'être capable de sacrifier. Ici, s'il vend tout ce qu'il a, ça veut dire qu'il le sacrifie, il l'a pu, ce qu'il avait. Et ça, c'est aussi une autre petite règle du royaume des cieux, la capacité de sacrifier ce qui n'a pas de valeur, ou la capacité de mettre de côté dans certaines circonstances qui auraient une certaine valeur, mais pas au point d'avoir plus de valeur du bien que je poursuis. Donc, je vais prendre des exemples pour être plus concret, là. C'est des principes tout vrais, même dans la vie, la médecine ou le corps, hein. Il y a des sacrifices qui valent la peine d'être faits, là. Il y a des mamans ici, ou des papas. Donc, avoir un enfant, c'est beau, mais ça demande des sacrifices. Hein, juste le temps de la grossesse, des fois, il y a des maux de cœur pour la maman, des fois, il y a aussi, notre confort quand le bébé naît, nos nuits sont écourtées. Mais ça vaut la peine. C'est-à-dire que l'enfant, le nouvel être humain, petit être merveilleux qui va faire des choses dans la vie étonnantes, vaut la peine que je sacrifie parfois des petits maux de cœur, que j'offre aussi des heures entrecoupées pour qu'il puisse grandir, se développer et à son tour faire du bien. Donc, c'est un petit exemple, mais sinon encore plus biologique que ça. En la médecine, c'est un principe qu'elle tient vrai, qu'on est parfois la façon de soigner le corps, c'est de sacrifier des conforts ou des éléments même du corps pour sauvegarder ce qui est plus important. Et c'est comme ça qu'il y a des maladies. Anciennement, il y avait des fois de la gangrène, hein, et des fois, oups, ça s'attrapait sur un bras ou sur une jambe, puis le moyen de solutionner pour pas perdre tout le corps, on était prêt à sacrifier une jambe amputée. Encore aujourd'hui, il y a des maladies où on pouvait être prêt d'amputer quelque chose, une partie, pour sauver ce qui est encore plus important. Pourtant, c'est pas un bien en soi d'amputer une jambe ou d'amputer un bras, on le sait bien. Mais si c'est le seul moyen de sauver l'entièreté du corps, ben on va être prêt à le faire. On va être prêt à mettre le prix. Mais dans le corps, il y a des choses que tu peux dire, ben ça, je vais l'amputer pour sauver telle autre partie du corps. Par exemple, si je vous dis, hey, tes poumons vont pas bien, ben pour sauver tes poumons, on va t'enlever le cœur. Imaginons. Ben là, désolé, tu vas essayer de sauver un essentiel, mais en enlevant un autre essentiel. Puis là, le résultat va être le même, ça va être la mort. Donc, il y a des co-essentiels, hein, pour le corps. Ben, il y a le cœur qui est essentiel. Les poumons, c'est essentiel. Le cerveau, c'est essentiel. Tu peux pas sacrifier ça pour sauver le reste. Mais dans la vie, Il y a des co-essentiels dans la vie spirituelle, il y a des co-essentiels. La Bible, il y a un psaume que j'aime beaucoup qui dit « Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. » Là, le Seigneur est en train de nous dire, l'un et l'autre, là, tu peux pas les séparer. Si tu dis, ben moi, je vais juste prendre l'amour. La vérité, j'aime pas ça. C'est un peu emmerdant, se faire dire quoi faire. Puis la vérité, c'est casse-pied souvent. Moi, je vais juste prendre l'amour. Ben, ton amour sans vérité, là, assez vite, il va y avoir des masques, il va y avoir des faussetés, il va y avoir des infidélités, puisqu'il n'y a pas nécessairement de vérité. Ben, s'il y a des infidélités, oups, là, ce ne sera plus de l'amour. En fait, ça va être de la trahison. Puis ton amour lui-même, pouf, tu viens de le perdre si tu enlèves la vérité. Pareil, si tu dis, ben moi, ok, ben, l'amour, c'est, juste prendre l'amour, c'est dangereux, moi je veux juste prendre la vérité. Ta vérité, t'as sort à tout bout de champ, à tout le monde, puis tu lui dis ces quatre vérités, oups. Mais là, tu blesses les relations et finalement tu ne respectes plus une autre vérité qui est très vraie. L'être humain est un être relationnel qui se nourrit d'amour. Et si t'enlèves l'amour, tu tues l'être humain, tu tues les relations, tu te tues toi-même. Parce que Dieu est amour. Et tu t'éloignes de Dieu. Donc, c'est des co-essentiels. Je peux pas dire, ça, je le sacrifie pour aucune raison. Ni la vérité, ni l'amour. Je pourrais faire le même exemple, vous le ferez chez vous. Pour la justice, la justice et paix. Je peux pas dire, je vais sacrifier la justice pour sauver la paix. Hein, je vais faire des mensonges, je vais faire des petits vols juste pour sauvegarder la paix. À long terme, tu vas créer d'autres guerres. Puis à l'inverse, je vais me battre, je vais faire plein de conflits pour soi-disant être justicier de tout le monde. Tu vas causer d'autres problèmes, puis tu vas mettre la chicane partout, puis la chicane en va amener des injustices. Justice et paix s'embrassent. Ça prend les deux. Donc, demandons aujourd'hui à Dieu la grâce qui est posée, la grâce premièrement de discerner, hein, celle que Salomon a demandé, la grâce de la sagesse. Mais demandons l'autre grâce qu'il a peut-être oublié de demander, le Salomon, la grâce de choisir. Choisir de mettre de côté ce qui peut être moins de valeur. Et c'est pas facile, et c'est un combat quotidien. Moi, je me bats sans cesse avec ça dans mes journées. On a sans cesse des choix, on laisse une chose pour en choisir une autre parce qu'on est limité, on peut pas tout faire, tout embrasser. Donc, quand on choisit une chose, nécessairement, t'en laisses une autre. La question est, je fais-tu le sacrifice dans le bon sens? Le sacrifice dans le bon sens, c'est quoi? Je sacrifie quelque chose d'inférieur, un petit bien, pour un bien plus grand. Ça, c'est le sacrifice dans le bon sens. Par exemple, je peux dire, ça me tentait d'écouter mon match de hockey à soir ou d'aller faire un petit jogging, mais mon enfant vient de se péter une jambe. Qu'est-ce que je sacrifie? Et la tentation est bien dure de dire que je vais aller à mon match. Non. Mon enfant, ça vaut plus que mon match de hockey. C'est belle fun, un match de hockey, mais là, non. Là, ça fait pas le poids. Donc, ça, c'est le sacrifice dans le bon sens, par amour. Le sacrifice dans le mauvais sens, c'est quoi? Ben, c'est l'inverse, hein. Je sacrifie un grand bien pour un petit bien. Broye un petit peu, mon petit gars, ça va te faire grandir. Hein, va te faire du bien, tu vas renforcer ton caractère, puis dans 3 heures, on va y aller à l'hôpital. Là, c'est pas tout à fait le sacrifice dans le bon sens. Ou, encore une fois, tous nos petits plaisirs personnels, encore une fois, il faut pas toujours être dans la tentation, il faut nous-mêmes se reposer, mais parfois, nos petits plaisirs, il faut être capable de les mettre de côté pour aider quelqu'un, hein. C'est sur la route, par exemple, c'est d'ailleurs même un délit dont on entend parler dans les journaux, hein. T'arrives sur les lieux d'un accident, t'es le premier ou t'as toi-même causé l'accident, mais t'aimerais bien continuer ta route pour pas être en retard à ton rendez-vous. Mais là, c'est bien de valeur, il y a un bien plus grand, il y a une personne en danger. Si t'arrêtes pas, même la police peut te faire un procès. Parce que là, il y a un bien plus grand qui prime sur ton rendez-vous, peu importe c'est quoi, c'est le dentiste, ton ami, ta game de hockey. Là, il y a une personne en nécessité, il faut que tu t'arrêtes. C'est un bien plus grand. Donc, demandons à Dieu cette grâce-là. Parmi les biens les plus grands, les co-essentiels de notre vie, encore une fois, on a de la même façon spirituellement comme un cœur, un cerveau. On a aussi comme des poumons. Le cœur, n'oublions pas d'aimer. C'est un essentiel de la vie, ça, d'aimer. N'oublions pas de vivre la charité dans nos familles, dans la paroisse. Si la charité baisse dans la paroisse, c'est foutu à long terme. On est capote. Dieu va partir de la paroisse. Et il peut partir des paroisses, le bon Dieu. On peut être là physiquement, mais s'il n'y a plus d'amour dans nos cœurs, c'est fini. Il prend ses affaires, puis il s'en va où il va avoir plus d'amour. Mais demandons donc d'aimer concrètement. Demandons aussi la grâce de respirer. C'est quoi la respiration? À quoi on pourrait la comparer, la respiration? C'est demandons de respecter les rythmes de la vie. Un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Un temps pour fêter entre amis, un temps pour servir, pour faire un petit sacrifice. Un temps pour justement être avec des gens, un temps pour travailler, mais un temps pour prier. Avoir du temps pour Dieu. La prière, c'est de la respiration pour l'âme. C'est justement ce temps, le texte de la parabole de la pêche avec les poissons, hein, il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse les poissons, il tire le filet, il s'assoit et il trie. Eh bien, il s'assoit, c'est quoi? C'est justement, on peut le comparer à ce temps de prière qu'on prend. Qu'est-ce qu'on fait dans la prière? On prend le temps de décanter les choses devant Dieu pour faire le tri, que par la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu nous aide à avoir les idées plus claires et éclairées. Ça a vraiment de la valeur. Ça, moyen, puis ça, ben pas pantoute. Donc, il faut que je le mette de côté dans ma vie. Il faut que j'arrête de faire ça. Ça mange du temps, puis ça me fait pas grandir. Donc, je vous invite cette semaine à faire de la chasse au trésor, hein, de faire la quête, à faire du fort boyard personnel avec votre famille, avec personnellement, pour apprendre à discerner le plus grand bien, apprendre à le choisir, à faire le sacrifice qu'il faut pour le plus grand bien. Et on se souvient que les plus grands biens, amour et vérité, se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Amen.